Niko na lamukia kila nduku na kila dada mjini Yesu Kristo. Je salue chaque frère, chaque sœur dans le nom de Jésus-Christ. Niko na lamukia tena banduku na badada benye kutufuata ku internet. Je salue également les frères et les sœurs que nous suivent sur mtandao. Nabo niko na balamukia mjini ya Yesu Kristo. Et aussi je les salue également dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que muko na fura? Êtes-vous dans la joie? Il est bon d'être dans la joie dans la maison de Dieu. La joie chasse la maladie. Ne sois pas là tout triste comme si tu voulais aller en guerre. Les chrétiens, ce sont des gens qui ont la joie. Pas toi, à tout moment, tu as le visage renfrogné. Tu vas te créer beaucoup de choses dans le corps. Et qui te fera souffrir parce que tu aimes bien renfrogner ton visage à tout moment. Et toi, tu penses que c'est ça la ta nature. Au contraire, c'est une mauvaise nature. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Tuko nabeba proverbe chapitre 18. Prenons Mesali Kuminamnani. Verset 10. Dans son verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Jinamilele nimunara nguvu kabisa. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Munyaki ekonenda kufutama mure na patikana katika ukingo. Wa milele Mungu wa kumbingu. Éternel Dieu du ciel. Mumbaji wa mbingu na dunia. Créateur des cieux et de la terre. Tunakupikia asante tena mshiku ya leo. En ce jour, te disons encore merci. Muvile ulichikia hii mkusaniko ipate kuyako. Parce que tu as accepté que nous puissions nous rassembler. Asante juu ya kuchunga majamaa yetu. Merci d'avoir protégé nos familles. Asante juu ya kuchunga banduku. Merci d'avoir gardé le frère. Kuko bale baliweza kusafiri. Il y a des frères qui ont voyagé. Kuko bale barukia mu mapori. Il y a ceux qui étaient en brousse. Kule bale walikuwa tumika kwa maizi. Il y a les autres qui travaillent dans des entreprises. Mais wewe Mungu uliweza kubachunga. Mais toi Dieu tu les as gardés. Juu ya ile Seigneur tunasema asante. Et encore de tout ça, te disons merci. Tuko na kualika Seigneur. Alors nous t'invitons ce matin. Mwalimu wa bia kweli ni wewe. Un vrai enseignant c'est toi. Ulisema kwa mashiko ya kumwisho. Tu as dit dans les derniers temps. Hakuna yule atafundisha banduku yake. Il n'y a personne qui peut enseigner son prochain. Ushuke. Alors descends. Wewe mwenyewe kujua mahitaji tuko nayo. Toi tu connais les besoins que nous avons. Sawa batoto ya bantu. Comme les enfants des hommes. Tuko na mambo mingi. Nous avons beaucoup de problèmes. Kama wewe Mungu utusaidie. Si toi tu ne viens pas en aide. Hakuna mtu atatusaidia. Personne ne peut nous aider. Ndio kwa maana tunajigonjea kwako Seigneur. Nous nous confions en toi. Wewe ulisema. Toi tu as dit. Je leur ai envoyé ma parole. Que ma parole puisse les sauver et pour les guérir. Celui qui est entré en ces lieux étant malade, toi Dieu accepte de lui guérir. Celui qui est entré pécheur, toi Dieu accepte de lui sauver. Parce que nous nous approchons auprès de toi. Et dans ta présence, moi, il n'y a personne qui rentre avec ses fardeaux. Seigneur, c'est pourquoi nous te faisons confiance. Nous venons de lire ta parole. Mais nous invitons toi ushuke, que tu puisses descendre et aide-nous, Boine. Du début jusqu'à la fin, sois honoré. Tout pour la gloire de ton Saint-Nom. Dans le nom de Jésus-Christ, te prions ainsi. Amen. Amen. Nous continuons encore à parler. C'est depuis la semaine passée qu'on avait intitulé notre sujet. Laissez échapper la pression. Frère Branham a réhubiri ma sujet qu'à peu près 5 ou 4. Il y a à peu près 5 ou 4 sujets qui Frère Branham a prêché. Na wakati qu'on a semé à Dieu à I sujet. Et pendant qu'il parlait sur ce sujet. Et qu'on a semani mambo yenye kila muntu anapasha kuangalishisha. Il dit, c'est un problème que chacun de nous doit examiner. Parce que Shetani est qu'on a soumettre bantu bote bakaji bapa dunia sous pression. Parce que le diable est en train de soumettre tous les habitants de ce monde chini ya kusongwa. Na ile asifanye kwa bule. Et il ne fait pas ça pour rien. Il a son objectif sur la vie de chaque frère et chaque soeur. Et dans ce monde, il y a les gens qui ont trouvé grâce. C'est nous ici parce que Dieu nous a envoyé sa parole. Et la parole que Dieu nous a envoyée, c'est ça notre protection. C'est ça notre paix. C'est ça tout pour nous. Si quelqu'un garde ça dans sa vie, Nikusema ata échapper ma pression. Ça veut dire qu'il va échapper la pression. Mais kama mtu anaikatala, mais si quelqu'un refuse, atakuwa siku yote emballé. Chaque jour il sera emballé à ta bébé. Na atakufa mtenda nzambi. Il mourra comme un pécheur. Bila salama, sans paix. Katika mangaiko, dans la souffrance. Na atenda mkupotea. Et il ira dans la perdition. C'est pourquoi mtu moi ule tunaweza kutumainia leo. Une seule personne à qui nous pouvons nous. Kintu moi kule tunaweza kujiapuie saba Kristo. Une seule chose sur laquelle nous pouvons nous appuyer comme des. Yule ya kazi ya msalaba. L'œuvre de la croix. Kupitia hii neno Mungu atutumia. Et à travers la parole que Dieu nous a donnée. Tunapaswa kutoa maisha yetu yote. Nous devons donner toute notre vie. Kui neno. À cette parole. Na mwiki kizazi ya Laodikia. Et dans cette la Odyssée, inje ya Yesu Kristo, en dehors de Jésus-Christ, hakuna salama, il n'y a pas de paix. Inje ya Yesu Kristo, en dehors de Jésus-Christ, hakuna amani, point de paix. Kama mtu ashina na Mungu, si quelqu'un n'a pas Dieu, kama mtu ashina ako na Yesu si maisha yake, pas Jésus dans sa vie, maisha yake iko siku yote chini ya mangaiko, sa vie tout le jour est sous le tourment. Même s'il demeure dans l'église, même s'il devient même prédicateur, même s'il puisse, il peut avoir même des titres, dire, avoir des titres pour prêcher. C'est pas ça qui accorde aux hommes la paix. C'est pas ça qui va vous donner la protection. La protection, c'est Seigneur Jésus Christ. C'est l'unique endroit où la personne peut s'y réfugier. Et si vous vous réfugiez en Jésus Christ, et même dans ton cœur, il y aura la paix yako, et ta vie est en paix na Mungu siweze kusabuaka. Et Dieu ne peut jamais t'oublier. Ni mambo ya c'est la vérité. L'église ne peut pas nous donner la protection. Veut être au tabernacle, mais ta vie elle est toujours agitée. Biblia la Bible dit Isaïe chapitre 28. Esaïe m'a commis une bigre. Bible qu'on a semaï. Bible dit ceci. Esaïe chapitre 28, verset 16. Esaïe 28, 16. Bible la sema. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je commande à Milé la sema. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. Dans sa manière, comme Sion, ni Missing, comme Mwamba. Une pierre éprouvée. Jiwe yenye kupimwa. Une pierre angulaire de prix. Libwe ya chongo abei. Solidement posée. Yenye kutiwa na nguvu yote. C'est lui qui la prendra pour appui. Ula teibeba kama tegemeo. N'aura point à te défuir. Atakuwa na haraka ukimbia. Mungu apate kuibariki. Kijobelisi. Ule yote mwenye atabeba. Yes, on a quoi tegemeo yake. Lui qui prendra Jésus-Christ comme appui. Asiweze kuogopa kintu. Il n'aura peur de rien. Ule atamubeba na kwa sababu tegemeo yake. Lui qui prendra comme appui. Ule atawele kitumaini kia maisha yake kyote. Toute sa confiance. Ndani ya Yesu Kristo. Nom Jésus. Ni mtu wa salama. C'est un homme de paix. Ni mtu mwenye kubarikiwa. Un homme béni. Ni mtu ule hata kama maisha yake naisha pa dunia. Si sa vie arrive à la fin de cette terre. Kama aliweka kitumaini chake ndani ya Yesu Kristo. Si sa confiance en Jésus Christ. Hata kama anakufa mwili. Il mourait dans ses corps. Eko paka mukingo. Il est toujours dans la protection. Lufu aliweze kushimamisha. La mort ne peut pas arrêter. Sécurité ya maisha yake vis-à-vis ya Yesu Kristo. Sécurité de sa vie kwa upande wa Yesu. C'est pourquoi ba Kristo abaogopa ke lufu. Les chrétiens n'ont pas peur de la mort. Les chrétiens n'ont pas peur de la mort. Les chrétiens n'ont pas peur de la mort. Parce que ils savent qu'ils ont même si ils mouraient, même si ils mouraient, même sa vie est kokatika au king. Que Dieu bénisse. Du kama mtu ashikumupata Yesu Kristo kwa hii dunia. Pas réussi Jésus-Christ sur cette terre. Nduku na dada. Mon frère, ma soeur. Nous étions en train de dire depuis vendredi. Les corps que nous possédons. Nama esprit yetu. Avec nos esprits. Kisha mutu kuanguka. Après la chute. Atuikalake na nguvu ya kuweza kusupporter ma pression longtemps. Nous n'avons pas la force de supporter pendant longtemps des pressions. Est-ce que tuko pamoja? On est ensemble. Mutu yote hivi tunaikala hapa. Tel que nous sommes là. Ni kusema kama mabananda unaanza kuwa sous pression ya mambo. On te soumet sous pression. Mambo yote yote mo maisha. Quel problème de la vie? Uko na muda fulani ya kurezister. Tu as une durée à résister. Kuko bengine anaweza kufanya un mois entre les six. Bengine anaweza kufanya hata une année. Tu peux faire même une année. Bengine anaweza kufanya hata 5 ans. Tu peux faire même 5 ans. Mwingine anaweza kufanya hata 10 ans. Tu peux faire même 10 ans. Mwingine anaweza kufikisha hata 20 ans. Mais quelqu'un doit faire même 10 ans. Eko na kipimo cha kusupporter mambo fulani. Il a des limites à supporter. Mais à la fin. Mwili yake na esprit yake tacede pata. Est-ce que ton esprit finira par céder? Est-ce que tu comprends moi? On est ensemble. C'est la façon que Dieu a conduit. Soumettre ma pression fulani. Soumettez ses corps à certaines pressions. Il n'est pas la durée fulani à quoi ça résister. Qui m'occupe fulani qui a coujama. Mais comment on va chier? Mais au fur et à mesure, ses corps finira par céder. Donc vous avez frère Branham a rubri le message. C'est comme ça que frère Branham avait prêché ce message. Ça qui est qui l'a ça vous aider à monter. C'est qui peut aider l'homme. Ni pas qu'à Jésus-Christ. C'est le Jésus-Christ. Sur cette terre, l'homme reçoit l'opportunité de recevoir Jésus-Christ dans sa vie. C'est là qu'il aura ses résister sous une pression longtemps jusqu'à sa mort. Mais si ce n'est pas le cas, tu peux faire semblant. Uko sous pression ya mambo fulani. Tu es chini ya kusongwa. Uko na imezia ndani. Tu es en train d'avaler ça. Mashiki kuna pita. Et le jour passe. Kama mule muro ya kwa muna mingi. Dans ton cœur, il n'y a pas Dieu. Paka kumashiku ya kumbele, tafonyaka madega. Tu feras des dégâts. Munifuate mzuri, frère. Tu vois bien. Munifuate mzuri, dada. Tu vois bien, ma soeur. Ce n'est pas pour rien. Aina kwa boule. Jésus-Christ, alikuwa anamwambia Nicodème. Il dit à Nicodème. Vous devez naître de nouveau. Kuna pasha kuzali kwa mara pili. Pourquoi? Juu ani. Mambo ya Mungu. Dans les choses. La nouvelle naissance. Kuzali kwa mara pili. Est obligatoire. Lazimisha ni mapasha mtu wote. Kila mtu. Oula na benda kuya mu Kristo. Qui veut être chrétien. Ana pasha kuzalika mara ya pili. Juu ya nini? Pourquoi? Juu nature yake ya kizalikio. Nature par nature. Namna yake ya kuona ya kizalikio. De voir par nature. Bila riri ku bazazi. Fait qu'il avait été. Mudamu ya buchafu. Par le sang souillé. Il faut kuya kaji moya. Une lèvre. Ya kimbingu. Spirituel. Il est à fournir par maïsia yake. Effectué sur sa vie. Qui a kuweza kuua. Tra de tuer. Caractère yote ya kizalikio. Sense. Na ana pata nature divine. La nature de Dieu. Kama ile ingia mu maisha yake. La nature de Dieu. Atakuwa na capacité. Cet homme ya kusupporter ma pression. De supporter kusongwa. Angalia frère. Regardez nduku. Kama ufanye vile. Si ce n'est pas le cas. Tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas, mon frère. Tu ne sauras pas, ma soeur. C'est pourquoi on a Jésus qu'on a amené à Nicodème. Comment Jésus disait à Nicodème? Parce que Nicodème a quoi docteur? Parce que Nicodème, il était docteur de la loi. Quoi docteur? Être docteur. Ou être un intellectuel. C'est là. Ce n'est pas de toi que tu vas échapper à l'espace. Oppression de cet âge. Abana. Non, donc. Ah, comment Bantu va te respecter? Ou si les gens te respectent, Bantu va te respecter. Mais te respecter. Tengile vous faisons un niveau de vie. Ako. Selon votre niveau de vie. Kamoko mutu kuna franca. Si tu as beaucoup d'argent. Ata ukoshetani Bantu va te respecter. Tu es diable, tu es démon. Kamoko mutu rifundo kuna sema français. Tu as fait des études, tu parles. Kuna sema anglais. Tu parles anglais. Kuku kwetu ku Afrique. Ici chez nous en Afrique. Sabe le Bantu ne gagne une infériorité d'esprit. Mais on a. Bana wajia kusema bantu bamekuwa na akili sana. Ni paka bale walifunda français na bado wanasema anglais. Les gens intelligents. Mais mon pays ni haina vile. Mais dans d'autres pays. Mais huku kwetu kama mtu anakuwa anasema anglais a bien. Français a bien. Ata kushikia bonga na na kurespecte. Mais il a insignifié à Kusema. Dieu a il est ari batu na kurespecte. Unaweza kuepuka pression ya Satan ya kizazi. Épargné à la pression du diable et cet âge. Apana frère. Non duku. Apana dada. Non ma sœur. Kila nduku na kila dada. Chaque frère, chaque sœur. Paka vile tulisema ku mangaribi kule ku vendredi. Le vendredi soir tel que nous avons dit. Anapasha kujiexaminer. Chacun de nous anapasha kujiangarishisha. C'est la vérité. Nukwe. Anapasha kujiexaminer. Vous devez vous examiner. Hii mwili tuku nayo. C'est corps que nous avons. Ni mwili yenye haikawake na kuchoka mambo. Qui ne tarde pas à céder. Na wajia kusema Mungu ananikaburia raison. Je pense que vous me donnez raison. C'est corps. Il esprit est tout qu'on a réussi. Que nous avons. Comment mon Dieu s'est intervenu? Si Dieu n'intervient pas. Ni esprit n'a tu n'as pas du tout. Qui garde les choses pendant le un temps. Le mais à un moment donné, ça va céder. C'est comme ça que notre. On a besoin de soumettre un mot sous une pression. Soumettre quelqu'un qui n'a que son gourmand foulane. À ta résister, ouais. Pendant un temps. À un moment donné, il va lâcher prise. C'est la vérité. Nous quoi? Mina galaka samo ya kama na mina angalia maloa ta ya inchi même nos lois kama mtoto mwanamke lorsque une femme akingariki mineur elle est encore mineure kisha anatembea na mtu mwa mkubwa et après il va aller coucher avec un adulte attends ole mtoto mwanamke alitika même si cet enfant avait accepté de son propre gré ben ole bwana batambamba kusema sasa amviolé cet homme on va l'arrêter parce qu'il a violé. Mina bakaburia ka raison. Et je lui donne raison. Dieu a nini? Pourquoi? Dieu mutoto kiloko ule mineur. Un enfant mineur. Wa 14 ans. De 14. On a besoin de m'ambia mambo. On peut lui dire quelque chose. On a résisté là au kesho. Chiku ingine. Sa vile ashira na ile capacité. Il n'a pas cette capacité. Paka taitikia kubila unamuonesha. Elle finira par accepter à tes propos. Mungu wote mbariki. C'est la vérité. Parce que mwili ya mtu parce que le corps aina na ile capacité. N'a pas cette capacité. C'est pourquoi ma loi hiyo bakwaye. Les lois nous il a eu à qui le kintu. Ça c'est là. Kama unatembea na mtoto kiloko, baki kubamba batakuita kana kusema useme ulimu violé. On t'appellera violeur. C'est ndio vile. N'est-ce pas c'est ça? Mungu abote mbariki. Que Dieu bénisse. Mili tuku nayo frère. Le corps que nous avons. Mili tuku nayo dada. Le corps que nous avons. Il est esprit wa uku nayo. Que vous avez. Il a ulizalika nayo mkizalikio. Que tu es né avec. Aina na uwezo wa kusupporter pression. La capacité de supporter pendant la pression. Hapana. Non. Shibi konaonekana leo. Eh n'est-ce pas ça se laisse voir. Leo kama unaona tabu nduku hapo na tena bwa bien. Voyez même notre fraternité n'est pas du tout correct. Pourquoi c'est à cause de tout ça? Aujourd'hui, si quelqu'un apprend qu'on lui a parlé à moi, c'est fini, la haine s'élève. Et il devient très froid envers cet homme. Tu avais des problèmes. Mais anazania kusema sema unampita unafanishia amu anachunga kolere et il garde kisha ile kuchunga kolere anakuwa na wewe baridi il devient vraiment tout froid donc les bantu beko et c'est comme ça que non Dieu a kubisha bila bibi yote pour terminer il faut l'intervention divine nazari Mungu asaidie ina pacha angalia dada regardez ma sœur. Même si vous faites semblant, toi-même dans ton cœur là, seul, qui les c'est la vérité. Disait là, ni ukweli. Même là, quand tu seras seul, tu regarderas ta vie. C'est vrai. Un temps. Nilikuwa mukisu wa kukankamana. Un chrétien zélé. Mais pourquoi leo mimi nakuwa hivi? Pourquoi aujourd'hui je suis venu tout froid? Si ba mingi banaweza kujiuliza. N'est-ce pas beaucoup de gens peuvent se poser cette question? Kulikuwa ma wakati moya. Il y a un temps. Paka mu mashiku yako ya imani. Pendant que tu étais dans la foi. Ulikuwa mtu wa maombi. Tu étais un homme de prière. Ulikuwa mtu ulikuwa unajikonsacrer. Tu étais consacré à Dieu tout le temps. Ulikuwa mtu ulikuwa epuka njani. Tu es tu es fouillé vraiment les péchés. Leo unakuwa wapi? Mais aujourd'hui où tu en es? Leo, on a quoi aujourd'hui vous en êtes où? On en est? Voyez maintenant. Angaria frère. Regardez nous. Et sauti ya Mungu. La parole de Dieu ici. Ni abia kweli. Elle est vraie. Ni abia kweli. Elle est vraie. C'est pourquoi on a des bantous. C'est pourquoi vous voyez les gens. Lorsqu'il parole, il dit qu'il croit. Kumashi, il est à Kumanzo. Tout au début et après la foi. On a vous avez regardé sa vie. On a sema ni Christ ou Kankaman. Mais que c'est un chrétien. Et qu'on a bidi. Mouto. Un homme de prière. Et qu'on a dit casa quoi et pour Kanzambi. Il a dit tout bien, on a qu'on a dit quoi. Tout ce qu'il fait. Il vous dit à Moufou Yake. C'est à travers sa force. Est-ce que tout va mourir? On est ensemble. Si bien quoi pas dans nous qu'on a badada. On a les frères et sœurs. Bah quoi a dit quoi on va qui s'est forcé à prier par leur force. Bah quoi a dit casa quoi n'a pas une ensemble qu'on vous voit. Éloigner le péché par leur force. Bah quoi a dit casa quoi chez vous Christ qu'on vous voit. Amener. Léo tu vas prier wapi. Et aujourd'hui nous sommes où? Léo tu wapi. Aujourd'hui où nous en sommes? C'est pourquoi on a dit qu'à Frère Branham. Frère Branham dit. Comment on a dit Ngisha Mouimambo? Lorsque vous acceptez. Ne vous aventuriez pas. Apana kufanya michezo. Apana kufanya michezo. Ne faites pas l'aventure. Parce que Satan. Que le diable. Et qu'on a tout mis Kassana. Il travaille avec force. Pour que personne ne puisse entrer au ciel. Alors, ne joue pas. Quoi, frère? Aujourd'hui, tu en es où, mon frère? Christ, où est ta chrétienté, maintenant? Christ, où est ta chrétienté, ma soeur? Mais regardez au début de la vie. La façon dont tu tout ce que tu as fait, c'est parti où? C'est parti où? C'est parti où? Zamani, au début de avant de parler, pour contrôler le Seigneur Yako, examiner la façon que tu parles comme tu veux, pour capacité à monde, capacité de l'homme, garde le problème pour un temps, mais comment Chiku Yakumbe n'est pas qu'à te céder, à mesure, il finira par céder. C'est pourquoi on a chiqui, hein? Jésus, quoi, on a demandé à Nicodème. Vous devriez naître de nouveau. C'est une obligation. Il n'y m'a pas choix. Il faut les dieux du ciel. Il a fazali mungu wa kumbingu. Où la lumbambingu na dunia. Et le ciel et la terre. Akuye pa maisha yako. Entrez dans le ciel. Aïchome. Tu puisses brûler ton ancien. Yeah, aïchome. Il doit briller. Na akupatia maisha ya sasa. Il donne une nouvelle vie. C'est nécessaire. Ni à ma foi qu'à Dieu. Na kila nduku na kila dada. Frère, chaque soeur. Pour échapper la pression. Oui, akwe puka kutu. Des étages de la Odyssée. Vous devez nécessairement. Muna pacho akabisa kabisa. Mettre de nouveau. Kuzali kwa malapi. De la ville. Et sans cela. Kanisa itakuya presque yote aba hypocrite. Nous serons tous des hypocrites. Wana fiki toute l'église. Ba hypocrite. Wanafiki. Bantu ba shipo kuya na mshimamo ya bien. Les gens qui n'ont pas une bonne position. Bila ville. Et sans ça. Bantu batakuya paka ba hypocrite. Les gens ils seront toujours wanafiki. C'est pourquoi on a l'air ma kanisa. Comment aujourd'hui vous voyez les églises? Dieu ya kukosa hiki. Par manque de ça. Bantu beko tellement ba hypocrite. Les gens sont tellement hypocrites. Mungu shilandake. Et Dieu ne ment jamais. Toi, tu sauras avec ces mots. Bah, ouais, seul. Oh frère. Du coup. Mimi na quoi, tabernacle. Moi, je suis venu du tabernacle. On a un tabernacle, il faut que vous voyez la bien. Oui, au tabernacle, il faut s'habiller décemment. Voilà, bien, tu peux t'habiller décemment, ce sont tes habits. Mais oui, c'est moi qui m'achète à couper. Au fur et à mesure, tu vas te fatiguer. Tu vas te fatiguer. Tu verras un jour. Bon, on a de voir la ville tout jour. Tu vas t'habiller comme ça. Partout. Parce que les gens, tu as honte des gens. Mais dans ton cœur, toujours attaché aux choses mondaines. Ton cœur, attaché à autre chose. C'est pourquoi on en a quoi, vous allez voir les gens. Dès qu'on a voit la bonne descente, mais quand vous allez dans leur maison, ils aiment beaucoup de films Nollywood. Là où il y a les filles qui s'habillent en mini, là où il y a les filles qui s'habillent en pantalon, vous savez tout ça. Parce que dans leur cœur, mais il est apparent, c'est pas que l'on est là. Mais ils ont peur qu'on puisse les appeler païens, païennes. Ils ont peur qu'on puisse les appeler païens, païennes. C'est la vérité. Tu finiras par te fatiguer. C'est vrai, mon frère. C'est vrai, ma soeur. La chrétienté fabriquée. Utachoka. Tu vas te fatiguer. Pardon. Excusez-moi. Banduku mingi na badara washa choka. Il y a beaucoup de frères qui se sont déjà fatigués. Bana choka sana. Ils sont tellement fatigués. Aina kitu kizuri. Eh, ça ce n'est pas bon. Mungu ashikututumia hii message juu imefanye vile. Dieu ne nous a pas envoyé ces messages pour vous laisser comme ça. Kile kinafaa watu wachoke vile. Eh, ce qui a fait fatiguer les gens. Bantu bakuyua muile mambo banaingia vile banatembea. C'est parce que les gens ils n'étaient pas conscients dans la chose qu'ils sont engagés. C'est la vérité. Nous quoi. Mais au Kambo, beaucoup d'amis ont la chance. Mais ici à Kambo, beaucoup de gens ont de la chance. Il y a beaucoup de gens qui ont cru au village. Ils ont cru à plusieurs endroits. Ils n'ont pas eu le temps d'avoir les gens qui peuvent les encadrer. Et ça, c'est l'échec. Selon mon expérience de chrétien. Que Dieu bénisse. Il y a quelqu'un qui a cru seulement. Et après avoir cru, aujourd'hui, c'est retrouvé à Kambo. Quand vous regardez la foi, reconnaît que ça, c'est la vie. Mais il a déjà fait le pas. Il a fait se voir. Il a hypocrite. Un encadrement correct. Il a quoi, mon ami? C'est la vérité. Il a quoi, hypocrite? Il est devenu mon ami. Aoutaweza frère. Frère, tu ne sauras pas. Aoutaweza dada. Tu ne sauras pas, ma soeur. Mwili yetu haina na ile capacité. Notre corps n'a pas ces capacités. Il faut Mungu akumbingu. Il faut que le Dieu du ciel. Akuye intervenir par ma chair. Viens intervenir sur ta vie. Ndio utaweza. Et là tu sauras. Là ba mingi beko na voilà bien. Aujourd'hui beaucoup de gens s'habillent bien. Ba frère beko na sema bien. Les frères parlent bien. Kama na bangare ni ba pole. Quand vous les regardez, ils sont doux. Ibu pole mnaona nao ba frère. La douceur que vous voyez chez les frères. C'est nous qui voyons que c'est ça. Est-ce que Dieu le voit aussi comme doux? Vous allez connaître la nature des frères, c'est lorsqu'il y a le problème. Le frère ici que vous voyez, peut y avoir un petit problème comme ça. Il va quitter même l'église. Même leur église, j'abandonne ça. Non. Des petits problèmes, il peut supporter. Mais lorsque le problème s'agrandit, l'église leur appartient. Toi, tu n'es pas chrétien. Voyez-nous. La température. De on teste cela lorsqu'il y a des problèmes. C'est la vérité. Oui. S'il y a des problèmes. Lorsque vous allez avoir des problèmes, tu fais confiance. Il va parler quelque chose que tu ne dois pas apprécier sur ta vie. Comment est-ce que tu vas réagir? Comment est-ce que tu réagiras? Nous avons beaucoup de frères. Ils sont en conflit avec des conflit frères. Conflit dans ma famille. Dans des conflits avec peut-être des peut-être familles. Peut-être a ça. Ce n'était même pas vrai ce qu'on lui avait raconté. C'était même pas vrai. Mais aujourd'hui, il a déjà gardé cette haine-là envers le frère. C'est vraiment un méchant. C'est un méchant, c'est toi. Maintenant, toi, qui es-tu? Il y a des frères et des sœurs. Mais quand vous le trouvez en train de parler, il est en train de pointer le méchant dans les mains. Quand vous regardez bien, vous verrez que c'est comme si c'est lui le vrai chrétien. Et tout ça, c'est quoi? C'est le paganisme. C'est la vérité. Nous n'avons pas cette capacité. Il a pu supporter ma pression longtemps. Supporter pendant longtemps la pression. C'est pourquoi mon Christ ou un chrétien authentique. Lorsqu'il comprend ça. Quand il arrive à la foi. Il va vraiment être un kuna kombana na maisha yake kufikia mkipimo jusqu'à ce que la nature va changer. Un chrétien. Si il n'a pas encore remarqué la chose, il ne peut pas se reposer. Un chrétien ne peut pas se donner le repos. Il est en train de lutter. Il est en train de s'efforcer. Il est en train de supplier. Il est agité. Il souffre pour moi. Il vient briller sa nature. Ses pensées. Il puisse tout briller. Puisse rester entièrement entre les mains de Dieu. Il est en train de lutter. Il est en quoi souci. Il est en train de lutter. Le diable a déjà vaincu. Il a déjà vaincu beaucoup de gens. Les gens ont espéré dans les églises. Alors que ma kanisa leo. Et pourtant les églises aujourd'hui. C'est le repère où le diable a beaucoup de gens. Plus que même dans des bars. Plus que même dans la politique. Dans les églises. Le diable, il a beaucoup de serviteurs. Il a dans cette église, dans cet âge de la Laodicée. Il les a déjà placés dans les églises. Il y a peu qui sont seulement dans les bars et dans la politique. Mais nombreux, les gens qui est le diable, ils sont dans les églises. C'est la vérité. Et il n'y a pas moyen d'échapper à sa pression. Comment est-ce que tu vas échapper? C'est la vérité. Et les gens n'ont pas compris. Et ils se sont engagés sur quel terrain? Et c'est pourquoi vous voyez les gens, ils sont comme ça. Oui, frère. Jadis, les gens se sacrifient, ils se consacrent, l'amour éternel s'est laissé voir. Lorsque quelqu'un ne voit pas son frère, il était triste. C'était comme ça au début. Mais aujourd'hui, nous avons des étudiants à la chorale. Ici, dans des bancs, parmi le prédicateur même. La présence ou l'absence de son frère. La présence de son frère lui gêne. Ils sont là. Que Dieu bénisse. Et aussi, on les appelle les chrétiens. Comment est-ce que toi, un chrétien? Un enfant de Dieu. Lorsque ton frère ou ta soeur est absent, toi, tu te sens à l'aise. Mais comment présence, il y a une fille qui pas. La soeur ou le frère arrive. Toi, tu te sens un peu gêné. Démon. Tu es un démon. C'est tout maman, on est beaucoup de démons. Tu es un démon. C'est qu'on est dans la serre pembeni. Vous êtes avec ta soeur, lorsque tu es dans l'église, tu ne peux pas t'asseoir à côté de l'autre. Tu ne peux pas t'asseoir seulement à côté de l'autre. Tu ne peux pas t'asseoir à côté de l'autre. Tu te sens fou. Tu as encore des démons. Tu as encore des démons. Tu n'es pas chrétien. C'est la vérité. Oui. Comment voyez mutoto wa Mungu? Enfant de Dieu. Unaweza kufurahi? Tu peux te réjouir. Na absence ya ndugu yako. De l'absence de ton frère. Comment? Namaka. Uliokolewa wapi? Où est-ce que tu étais sauvé? Na ule alikuokola njina yake ni nani? Et quel est le nom de celui qui t'a sauvé? Ule alikuokola wewe ni nani? C'est qui? Celui qui t'a sauvé? Lorsque vous voyez le frère, lorsque vous voyez ses frères, même si tu es en train de rigoler, et la joie s'atténue. Il y a vraiment des démons terribles. C'est la vérité. Il y a des démons. Voir un homme, et ta joie s'arrête. C'est l'absence de toi. Même comme il y a un apple, tu te sens à l'aise. Tu es criminel. Tu es un méchant. Et je ne sais même pas qui t'a sauvé. Pourquoi tu ou les frères, lorsque vous voyez ces frères-là, vous n'avez pas la. C'est parce que tu as un démon. Tu es un démon. Imaginez-vous Ndouku. Vous voyez votre frère en train de venir. Tu vois à distance. Tu changes de voix. Tu ne croises même pas se saluer. Toi, tu as des démons. Tu as des démons terribles. Et je ne sais pas qui t'a appelé même à ces messages. Ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus qui t'avait appelé. Le frère. Ton frère. Ton frère. Les gens à qui Jésus a dit, je vous donnerai de frères. Maintenant, si c'est toi qui veux qui puisse l'aider à manger. Pose-toi d'abord la question. Pourquoi la présence de frère te gêne? Pourquoi tu souhaites même la mort à cette sœur? Que cette frère puisse même mourir. N'est-ce pas? Nous avons des sœurs ici. Parce que si tu n'aimes pas voir quelqu'un, mais à sa mort, tu pleureras, tu vas pleurer. Raisonnons d'abord dans cet angle. Tu n'aimes pas voir la personne. Tu fuis. C'est pour dire que vous ne puissiez pas vous saluer. Juste sa présence. Des gênes. Mais le jour qu'il va mourir, est-ce que tu vas pleurer? Tu vas pleurer aussi. Si tu pleures, à la cité, on dit que ce sont des larmes de crocodile. C'est la vérité. Tu l'avais pas aimé. Mais là, pourquoi tu pleures? Et tu arrives là, tu es en train de pleurer. Yo, ces frères-là. Oh, la soeur. Mais dans ton cœur, tu dis, moi-même, quand même, je l'aimais pas. Tu vas répondre. Tu répondras pour ça, ma soeur. Dieu. Bible dit. Mungu atasambishaka na matendo ya kufichama. Dieu appelle. Parce que nous sommes hapa. Nos actions c'est que. Aba ndugu na badala hata biyuaka. Ni bitu biko napitikana mu roho yako. Ce qui se passe dans ton cœur. Mungu biota atasambishaka. Tout ça, Dieu appellera en jugement toutes ces choses là. Mungu atasambishaka bibi. Dieu appellera en jugement toutes ces choses là. Uko na kuya kuadorer na shie. Tu viens adorer avec nous. Mais uko na ile esprit. Mais tu as cet esprit toi. Tu adores ensemble avec nous. Pourquoi tu continues à adorer? Alors que pourtant nous ne sommes pas tes frères. Selon toi, nous ne sommes pas tes frères. Comment est-ce que nous serons tes frères, mais tu as la haine envers nous? Comment ça? Qu'est-ce que ce frère ou cette sœur? Il est là pour faire la présence, il y a au peine de qu'il sente. Au point où même tu ne supportes même pas sa présence. Alors que bébé a boana. Il a pris ton mari. Alors que oui à mutoto. Il avait tué ton enfant. Qu'est-ce qu'elle a fait? Pose-toi cette question. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Et tu vas découvrir que c'est juste le diable. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a fait quoi? Et nous irons au ciel. Tu n'iras pas. C'est la vérité. Tu es méchant. Tu ne supportes pas la présence de son frère. Regarde à la chorale, tes frères. Moi, tel frère, en tout cas, je ne digère pas. Je ne digère pas telle sœur. Mais tu es toujours un sœur de Dieu. Est-ce que ça, réellement, ce sont les affaires de Dieu? Non, ce n'est pas ça. C'est la vérité. Quoi? Même si tu t'énervais, c'est ton affaire. Tu es un méchant. Tu es un méchant. Tu es méchant, méchante. les répéter mbele. Que je puisse répéter. Que tu puisses comprendre, que ça puisse toucher ton cœur. Vous êtes en train de frapper. Il faut qu'on ait piqué, on ait piqué ça. Et c'est alors que le bois va s'emboîter. Tu es méchant, méchante. Regarde comment ton cœur est agité. Non, non, c'est mobile, et tu te dis que le je ne passe pas. Elle était partie s'asseoir sur ma chaise. La chose est m'étante. Et ici, il y a des chaises des gens. Tu commences les problèmes parce qu'elle avait occupé ta place. Tu n'as même pas honte. Il faut avoir honte. Ici, c'est dans la maison de Dieu. Il n'y a même pas de problème. C'est un petit problème. Si tu veux t'asseoir sur cette place, tu dois seulement négocier avec ma soeur. Ma soeur. Frère. Mon frère. Moi, je me sens un peu à l'aise quand je me mets là-bas. Comme moi, si tu me dis ça. Je ne peux même pas choper. Je vais juste laisser ta place. Tu te sens aussi à l'aise dans la guerre. Mais à cause de ça, et automatiquement, cet homme devient ton ennemi. Tu es méchant. C'est la vérité. Nous quoi? Tu es méchant ou trans. Kama ukutubu, si tu ne te répands pas, tu répondras. Est-ce que tu peux tout mambo pas? Là, il y a un problème. On a que sentir. Je n'aime pas même le sentir. Je n'aime pas même le sentir. Quoi? Toi là, comme on a couru à quoi, selon toi, quand il vient, on a mon amour, tu le regardes, tu te caches, mais quoi, pas au peine de me sentir chez toi, tu veux n'a pas nous gagner. Ça t'en a ce mal, je suis peiné. Tu ne veux même pas t'asseoir à côté, à part frère, non, Ndoku, à part la date, non, ma soeur, yes, ou à l'issue, ma mobile, Jésus a dit dans cette Bible, je vous donnerai des frères, ni t'as mis pas tia bada, je vous donnerai des soeurs. C'est la vérité, ni bien quoi, n'a pas les bandes, yes, ou à l'étoile, mon moi, je suis à ce coulanda, et Dieu ne peut pas mentir. Il y a de frères et sœurs qui n'ont pas cet esprit. Ils sont toujours là. Ce sont nos frères. Ce n'est pas toi. Je pense que tu es en train de comprendre. C'est de toi que je suis en train de parler. N'est-ce pas, tu es en train de parler. Tu n'es pas notre frère. Tu n'es pas notre soeur. Tu es un méchant. Et ton cœur bat là. Que les prédicateurs puissent passer à autre chose. Je vais passer à autre chose. C'est la vérité. Que Dieu bénisse. Oui, frère. Les gens n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris, ma soeur. Et ils pensaient que les choses de Dieu, ce sont des blagues, vous venez, on te baptise, puis on te reste membre de l'église. Et c'est pourquoi vous voyez tout ce que les gens avaient au début là. Le diable les a déjà tout ravi. L'amour fraternel. Ma peine de Akinduku. Ananyanganya. Il a ravi. La douceur de l'esprit. Koleyaro. Ananyanganya. Il a ravi. L'esprit du pardon. Ananyanganya. La tempérance. Ah, kujuzuiza. Ananyanganya. Il a ravi. Alors que tu as eu. Et pourtant tu avais tout ça au début. Et le diable a tout ravi. Même la joie du salut. Nafura enya okovu. Anakunyanganya. Il a déjà ravi. C'est la vérité. Nous quoi? Frère. Il y a d'autres. On a ouais d'accumuler un machiku na machiku ashiteka. Peut lui regarder pendant un temps. Il ne sourit jamais. Comment on a ouais d'accumuler bila kucheka? Tu peux être là sans sourire. Nigusema muroya kashifura iki. Donc son cœur, il n'est pas content. Ma Christ bana cheka ka. Le chrétien à un moment donné il peut sourire. C'est la vérité. Quoi? Bile bitu biote shetana na nyanganya. Tout ça, le diable a déjà ravi. Bandu walifanya bupole wa kumashiku ya kumwanzo. Ils étaient doux au début. Mapendo ya kinduku mashiku ya kumwanzo. Leo iko wapi mapendo ya kinduku? Aujourd'hui, où est l'amour fraternel? Iko wapi? Où est l'amour fraternel? Mapendo. Ba frère ba mingi hapa. Il y a beaucoup de frères. Na ba sœur ba mingi ba préféré. Ils préfèrent. Akuya mu compagnie ya bandu keke ba pagano. Qui puisse être en compagnie de ses frères païens. au lieu d'être en compagnie des soeurs ou de frères, quand tu le trouves parmi ces frères païens, et qu'on a checké ça, il rigole. Et qu'on a sema dans mon langue maternelle. Il va parler même qui est quoi? On a sema bien. Il parle très bien. On a dit qu'il est tellement à l'aise. Il est à l'aise, détendu. Mais katikati abanduku. Mais lorsqu'il arrive parmi les frères, il devient timide là. Tout ça c'est quoi? Shetan acha kunyangali. Le diable a tout ravi. C'est la vérité. Oui frère. Dieu nduk. C'est pourquoi, frère, Shetani n'a pas na kucheza naye. Ne blaguez pas avec le diable. Ne minimisez pas avec le diable. Eko na tumika, we njoko na cheza. Lui, il est en train de travailler. Il n'y a que toi qui blague. Na hakuna kintu kibaya mu mambo ya Mungu. Et il n'y a rien de pire dans les choses de Dieu. Sa Shetani afike mu kipimo. Lorsque le diable arrive, ya kukunyanganya bintu bila ulikuwa deja usha kuganye. De te ravir tout ce que tu avais déjà gagné. C'est compliqué. Ni a quoi mambo ya nguvu. Mungu apate mbariki. Que Dieu bénisse. C'est compliqué. Ni mambo ya nguvu. C'est pourquoi on a dit la Bible qu'on a sema. Quoi, la Bible dit. Mon Matthieu chapitre 12. Dans Matthieu 12. Bible on a sema hivi. Matthieu 12, la Bible dit ceci. Matthieu 12. Matthieu sura 12. Verset 43. Makumine na tatu. Jésus qu'on a sema hivi. Lorsque l'esprit impur est sorti, verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, wakati romuchafu natoka ndani ya mtu. Il va par des lieux arides. Inekalake kunenda pa mafashi ya kavu. Cherchant du repos. Kwenda kutafuta kupumzika. Et il n'en trouve point. Na kulo pa mafashi kavu ashipati mapumziko. Alors il dit, il est romuchafu itasema. Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va. Il est rompu chafu tarudia inaende. Et prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Na kubeba marompu chafu tena saba ya nguvu kushindia. Il entre dans la maison. Anakuwa kwenye nyumba. S'y établisse. Na baneka na muli. Et la dernière condition de cet homme. Na ali ile ya kumwanza umutu. Ya mwisho. Ya mwisho. Et pire que la première. Itakuwa mubaya sana kushindia hii hapa. Il en sera de même pour cette génération méchante. Na bitakuwa vile na kizazi kibaya. Mungu apate kumbariki. Kijo benisi. Je pense que tu nasoma pamoja. Nous lisons ensemble, j'espère. Leo hii. Aujourd'hui. Regardez les choses que tu avais abandonnées. Ça c'est rentré. Au début, tu avais tellement du mal à mentir. Mais aujourd'hui, tu mens avec facilité. Regardez l'état que vous avez. Selon les Écritures. Fatana na maandiko. Ni hali mo mubaya sana. C'est un état pur. Mubaya sana. Très pire. Ni kusema. Cela veut dire. Unakuya muma condition moya mubaya. Tu es devenu dans des conditions les plus pures. Bintu bila uriachaka. Les choses que tu avais abandonné. Mais unabirudiri tena. Tu es retourné à ça. Bon, il est à kusaidia tena nini. Maintenant, qu'est-ce qui va t'aider? Zamani. Au début. Parler de quelqu'un, tu avais vraiment des difficultés. Mais aujourd'hui, c'est avec aisance. Vous voyez maintenant? Kule unakuya. Là où vous êtes arrivé. Zamani. Ah, jadis. Ulikuya seke, ukunaona banduku bote. Tu prenais, tu considérais tous les frères. Nikusema ni batoto ya Mungu. Des enfants de Dieu. Mais leo hii. Mais aujourd'hui. Tu es là dans l'église quand tu regardes. Toi, tu vois tout le monde sont des païens. Les chrétiens. Mais au début, tu ne voyais pas les choses de cette façon. Et qu'est-ce qui est arrivé? Parce que tout ce que tu avais hérité, tu as déjà ravi tout ça. Tu as déjà ravi. Na condition yako inakuwa mubaya. Na étonné. Votre condition est devenue pire. Kupita ile wakati ulikuwa au ya amini. Plus que lorsque tu étais païen. Kupita. Plus que. Angalia frère. Regardez nous. Angalia dada. Regardez ma soeur. Unaona mutenda nzambi. Oui, un pécheur. qui commet le péché après avoir entendu la parole de Dieu. C'est un méchant à outrance. Plus que même celui qui est encore chez les Ngunga. C'est la vérité. Lorsque quelqu'un vit dans l'hypocrisie, après avoir écouté la vérité, il vit encore dans la haine. Il vit encore dans le conflit. C'est-à-dire le conflit de cet homme. Celui qui écoute la parole de Dieu, c'est pire plus que celui qui est encore dans les dominations. Tellement il connaît la vérité. Mais là, ce qui vit, il fait ces choses-là avec sa conscience pire. C'est un méchant. C'est la vérité. Quelqu'un qui vient faire l'adultère, Mujumbe. Cet homme. Eko jeune fille. Jeune fille. Eko jeune garçon. Jeune garçon. Ou bien akuye marié. Que tu sois marié. Pensez-vous que. Qu'est-ce qui va finir par lui changer cet homme? Qu'est-ce qui va changer la sœur? Qu'est-ce qui peut changer ses frères? Pensez-vous qu'il va changer? Il y a beaucoup de difficultés. C'est très difficile. Quelqu'un qui écoute ces messages chaque jour, mais il continue à vivre dans l'adultère, dans la fornication, qui peut lui changer? Qui peut lui changer ou lui transformer? Péché à un endroit où la vérité est prêchée. Le diable sera dans ta vie avec une puissance terrible pour ne pas te faire sortir sur ces lieux-là. Et beaucoup de nos frères et sœurs, ce n'est pas pour dire qu'ils ne savent pas. Non. S'il y a des gens qui ne se parlent pas. Il y a des frères. On a frères qui volent encore au travail. Tu ne sais pas qui fait ça. Mais il fait ça sciemment. Qui peut le changer? Tu es dans l'église. Tu as seulement l'esprit tribal. Dans ces messages. Vous pensez que c'est dans l'église Malemba? Et d'ailleurs, les conducteurs de cette église, ils sont de notre tribu. Nous ne sommes pas chez les Malemba. Est-ce que tu moi, on est ensemble. Tu es tellement attaché sana na muntu moya ici. Tu es attaché avec une personne. Et dans ton cœur. Parce qu'il est de votre tribu, de votre contrée. Et qui peut te changer maintenant? Tu amènes l'esprit de Malemba à la esprit parole de Dieu. Tu amènes ça dans esprit la parole de Dieu. Esprit de Kabila, vous amenez ça dans la parole de Dieu. C'est grave. Niatari. Qui peut te changer? Tu es dans l'église. Et tu t'appelles chrétien. Ton problème, tu cherches à savoir ce frère-là, il est de quelle tribu? La sœur-là, elle est de quelle tribu? Quand tu fréquentes ton frère, tu te vois là-bas très à l'aise parce que les gens qui vivent, même si tu ne peux pas exposer ton problème, même si tu as un problème à ton frère, dans ton cœur tu te sens à l'aise. Doublement. Ah, nous sommes des frères malambiri. Dans la chair, et en Jésus-Christ, et même dans la chair. Ouais, la parole de Dieu, n'oubliez pas le corps. Il est ma consolation pour païens. Ça, ce sont des consolations païennes. C'est la vérité. Oui. Mais comment on a frère ou le moyen à mais quand tu pars voir un frère qui n'est pas de votre famille, tu as des difficultés, tu 20 dollars ou 50 dollars. ou 5 ans. Mais mon wana kwambia sema. Dieu te dit. Wende kwa ule frère. Va voir ses frères. Mais toi, tu commences à faire des calculs. Mon frère, il vient à la couette. Mon frère, ici d'abord, n'est pas de notre tribu. Chatanion a tout boulé. Il ne va pas vraiment me prendre avec l'estime. Mais les gens avec qui tu fréquentes tellement à l'aise. Ce sont les gens de votre tribu. Mais si il y a ville. Nous, ce n'est pas le cas. C'est la vérité. Nous quoi. D'ailleurs, si tu penses que tu as ta kabila. Et pourtant, nous n'avons même pas besoin de connaître les gens. Si Dieu me dit que va frère Kaba. Va voir frère Kaba. Je pars chez frère Kaba. Va chez frère Ilunga. Je pars chez frère Ilunga. Va chez frère Tete. C'est que ni quoi l'aise, mouro amuna taka kintu kaloko. Il n'y a pas de condamnation. Akanamu. Il n'y a rien. Parce que Mungu achoze ukokola kuache ile tabia. Parce que Dieu ne peut pas te sauver et te laisser seulement comme ça. Non. C'est la vérité. Ukweli. Leo angalia kule bantu banakuya. Aujourd'hui regardez où les hommes. C'est que banakuya na magumu. Ils ont des difficultés. Hakuna tena namna yabaku ji kutukunika mu magrifu ya shetani. C'est déraciner ou mankucha ya shetani. Dieu a misa ile barifuani. Accord de blagues, de comédies qu'ils ont. Mambo ya Mungu abafanyage na umiza frère. Les gens de Dieu, on ne fait pas des blagues. Abafanyage na umiza dada. On ne fait pas des blagues, ma sœur. Ne pensez pas que le diable n'est qu'à jouer. C'est un jouet. Kale utaweza tu kukadribler vile wewe unapenda. Tu peux dribler, tu peux manipuler comme ça. Aina vile. Ce n'est pas comme ça. Biblia iko nasema hivi. La Bible dit. Mon Ephésiens chapitre 6. Mon Ephésiens aussi. Ephésiens chapitre 6. Mon Ephésiens sur la cassita. Biblia iko nasema hivi. La Bible dit ceci. Mushiki. Nanzia verset 12. Mon ami, nous savons. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les dominations. Contre les autorités. Contre les princes de ce monde de ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. On est ensemble. Bible est claire. La Bible est claire. Que la guerre que nous avons dans la marche de la foi. Nous avons alité avec des dominations. Derrière chaque péché, ma soeur. Même si aujourd'hui vous sentez que dans ta vie, l'esprit de mensonge a été. Continue encore à alité. Ne pensez pas que c'est fini. Il est esprit qui est dominé. C'est une puissance. Ni puissance. Uwezo. Il est maranquine qu'on a chungé à bande. Il est tranquille que tu gardes encore. Uchwazia kusema sema, utaweza kujitebarasa nao kama tu unapenda. C'est esma comme ça si tu veux. On a jilanda ça. Tu te trompes. Ni ma uwezo. Ce sont de puissance. Ni kusema, mukusema kwa kwa bwepesi juu kila mtu asikie. Pour faire comprendre à tout le monde. Ni kusema kisha mtu kusema naamini. Après avoir cru. Ma démon yote ya enfer. Tous les démons de l'enfer. Il a dit ma kumbele safari yake. Se lève devant la marche. Pour t'empêcher d'avancer. Ma démon yote ya enfer. Tous les démons de l'enfer. Il a dit ma kumbele. Se lève devant toi. Maintenant comme on a misa. Maintenant si tu blagues. Utaenda wapi? Où est-ce que tu vas aller? C'est la vérité. Oui. Aina mambo ya tegeteke. Ce n'est pas facile. Cette tâche de l'Odyssée. Comme un frère Branham est qu'on a oublié dans ses mains, laisser échapper la pression. Pour échapper la pression de cette tâche, il faut l'intervention divine. Et puis vous allez remarquer, depuis l'Ancien Testament, vous allez remarquer, bah Christo, les chrétiens. Mukila problème il est dans chaque circonstance qu'il est arrivé, Ils leurs efforts. Dieu a goûté à la présence de Dieu. Afin de chercher la présence de Dieu. A intervenir sur ce sujet et les choses iront bien. Et c'est tout pour moi. On est ensemble. Mwangariye mon parcours ya Bible. Regardez dans la Bible. Shetan a imposé batu mwiki kizazi. Le problème que le diable a imposé sur les gens. Aina mambo ile utaiwina. Ce n'est pas que vous naombaka ku tabernacle. Vous allez vaincre parce que vous priez au tabernacle. Autawina. Tu ne peux pas vaincre. Mungu apote umbariki. Dieu bénisse. Autawina. Tu ne peux pas vaincre. Juu ya kuwina ifo Mungu akusaidie. Il faut que Dieu vous aide. Na juu Mungu akusaidie. Et pour que Dieu mule muroyo yako mule. Dans ton cœur. Unapasha kuya na kiu. Tu dois avoir la soif. Unapasha kuya na hamu. Tu dois avoir faim. Na ule Mungu akuya kusaidie. Et Dieu là vient en aide. C'est la vérité. Kweli. Angalia mbele mwakati ya Jacob. Regardez du temps de Jacob. Mwana wa Jacob alianza kuikala kwa miomba yake la. Jacob habitait chez son oncle. Il était en conflit avec son frère Esaü. Maintenant, ça, Jacob a pris la décision de rentrer maintenant chez lui. Jacob a quitté chez Laban son oncle. Il s'est mis en colère parce qu'il avait des problèmes avec Jacob. Il a commencé à poursuivre maintenant, Jacob. Maintenant, son frère Esaü aussi. Il a appris que son frère était devenu. Il avait volé son droit de naître. Il a pris la décision. Je pars aussi tuer ces messieurs. Que Dieu bénisse. Mais Jacob, il a regardé derrière. Il n'y avait pas d'issue. Il a regardé devant. Il n'y avait pas d'issue. Jacob. Il avait beaucoup d'élevage de bétail. Il avait ses femmes. Il avait aussi ses enfants. Mais toutes ces choses-là n'ont pas consolé Jacob. Que Dieu bénisse. Ces choses-là n'ont pas tranquillisé son cœur. On est ensemble. Il est arrivé à un parce moment que yake, parce que dans sa vie ce problème-là était difficile. C'était un juif, un enfant d'Israël. Il savait que mbingu, au ciel c'est là où il y a un problème qui peut terminer tous les problèmes difficiles. Biblia, et la Bible dit Jacob arienda kumagote. Jacob, il est allé à genoux. Kama mnakumbuka kumwanza hii prédication. Rappelez-vous au début de la prédication. Frère Branham konasema mu message moi anasema. Dans un message. Kama mtu. Il dit lorsque. Mukona ima pression. Voyant toute pression. Kitu kimoki naweza kuadoucir pression. Que il y a quelque chose qui peut adoucir pour le char collection. C'est la prière. Ni maombi. Mungu apote bariki. Que Dieu bénisse. Jacob arienda kumagote. Jacob, il est allé à genoux. Asikwenda kumagote sa vile bantu banakuyaka vendredi. Il n'est pas venu il n'est pas allé à genoux comme l'accoutumance des gens. Il est prière ya Jacob ya ile shiku. Et ce jour-là la prière de Jacob. Ilikuwa ya kipekee. C'était vraiment très spécial. Dia nini? Pourquoi? Vie yake ilikuwa mu danger. Parce qu'il savait que sa vie est en danger. Na kama mtu vie yake inakuwa mu danger. Un homme sent que sa vie. Anaweka ka serie yote mbele kunafanya. Il est tout le sérieux dans ce qu'il fait. C'est la vérité. Nous quoi? Chiku taonaka danger. Le jour que tu verras le danger. Là, ta aujourd'hui tu penses qu'ils sont de blagues. Chiku taona danger. Le jour que les dangers vont arriver, tu chercheras Dieu. Mais je te conseille de les chercher parce aujourd'hui. Danger, parce que tu peux voir les dangers. Mais après ma chiku et ça sera trop tard après le jour de grâce. Leo, que Dieu t'aide aujourd'hui. Il puisse t'aider aujourd'hui, ma soeur. Si Dieu parle à ton cœur, c'est son amour. Mungu et Dieu a inspiré son serviteur. Exactement il a parlé exactement de Dieu. Apana kuona muntu. Ne voyez pas l'homme. Mungu, Dieu peut parler à ses enfants. Il dit toujours les hommes. Na exactement il parle de qui se passe dans la vie. C'est pour te faire échapper, te faire sortir de ses problèmes. Jacob, Jacob il est allé en prière. Il a prié à Jacob. Et ce jour-là, sa prière Aïkoukoué, n'était pas mélangée avec des blagues. La Bible dit, il a prié la nuit, toute la nuit. Et quand il était en train de prier, dans son cœur se disait, dans la situation qui m'arrive là, si toi, Dieu du ciel, tu n'interviens pas, mon frère viendra me tuer ici. Mon oncle, il viendra me trouver ici, il va me tuer. Nikusema Jacob alianza kuhangaika. Jacob il était agité, en train de pleurer. Eko na examiner vie yake. Il examinait toute sa vie. Eko na besoin. Il avait une paka Mungu amsaidie. L'intervention de Dieu. Ndio bitu biendeke. Et c'est alors que les choses vont marcher. Asikufanye miza. Il est pas en train de faire de blagues. Na Mungu mbingu. Et le Dieu du ciel. Ule ashibadilishake namna yake ya kutenda. Celui qui ne change pas sa façon d'agir. Kama mtu pa dunia. Lorsque un homme sur la terre. Anakuta vie yake na kuya mudanger. En danger. Anakuwa na sincérité. Il vient avec sincérité. Na kuomba Mungu. Vile Jacob aliombaka. De même façon que Jacob avait prié. Mungu paka t'intervenir. Dieu il finira par intervenir. Ndio vile Mungu anegalaka. Et c'est comme ça qu'il fait. Et c'est comme ça qu'il a toujours fait. Après avoir prié, Dieu n'était pas resté tranquille au ciel. Il est descendu. Jacob. Il est arrivé là où il était Jacob. Vous connaissez Jacob. Jacob a commencé à lutter avec Dieu. Après, vers le matin, l'aurore. Lisons ça. Genèse. Moïse. Chapitre 32. Makumita tunambi. Somme. Genèse. Mwanzo. Mushkie. Ashikufanye miza. Il n'était pas en train de blaguer. Ata. Non. Chapitre 32, verset 24. Makumbina ine musariaki. Jacob demeura seul. Jacob akabakia yemoi. Mambo ilikuwa ya nguvu. C'était difficile. Il est maman de l'homme à qui est pec. Et c'est là demander qu'il puisse rester seul. Comment nous quoi dada moi on a remarqué que c'est maman qui est en gouffre. Si un frère lui se remarque les problèmes. Tu as commencé à tambouga et kizazi. Pour traverser cet âge. À tabaki à yep. Il va rester seul. C'est la vérité. Du quoi. Alors un homme lutta avec lui jusqu'à l'élever de l'aurore. Na mutu mwa kapambana naye kufika paka naomba pambazuku. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre. Na kona kusema na hata mshinda. Cet homme le frappa l'embouchure de la hanche. Ule mutu akampika mkifuno. Et l'embouchure de la hanche de Jacob. Na maokiungo kia kifuno ya Yakobo. C'est demi pendant qu'il luttait avec lui. Kaponyoka mwakati anza kupambana naye. Il dit. Kamwambia. Laissez-moi aller quand l'aurore se lève. Unyache konyende sababu mapambazuko nakuja. Jacob répondit. Jacob akamjibu. Je ne te laisserai point aller. Shita kuacha kama uende. Que tu ne me bénis. Isipokuwa tu nibariki. Mungu apate kubariki. Que Dieu bénisse. Il est chique prière ya Jacob. Ce jour-là, la prière de Jacob. Aikukua tena ya miza. Il ne s'était pas avec de blague. Ilikuwa ni mambo ya lufu au bujima. C'était la mort ou la vie. Anajangaria. Il s'est regardé. Asema je suis tout le temps sous pression. Ele kila wakati liko chini ya kusungu. Est-ce que il y a ritui à ma pression, pression y. Cet état de pression à tout moment. Il t'avait dit que ça aidait à mieux comprendre le Saint-Esprit. Est-ce que ça peut m'aider de recevoir le Saint-Esprit? Il y a comment tout mina baki à ivi. Si je reste comme ça. Comment Jésus Christ en a couru. Si Jésus revenait. Mais oui, maintenant dans mon enlèvement. Moi ici, je vais aller dans l'enlèvement. Ça, ça comment mis quand dans l'enlèvement. Mais là, si je ne pars pas dans ces mondes. Tabaki à m'occuper. Je vais rester faire quoi? Attaquons les obats ou ananiyeshimia. Si les gens aujourd'hui me respectent. Attaquons les obats ou ananipenda mukanisa. Aujourd'hui les gens même. Naï. Avec l'esprit que j'ai. Ironi kunayo hii. L'esprit que j'ai. Léo. Ule Mungu alisaidia Jacob. Dieu qui avait aidé Jacob. Il doit m'aider. Tu vois les bakristo manekalaka. Et c'est comme ça que les chrétiens. Unelala wakati moya kama mtu anaangalia. Le moment lorsque elle regarde. Qui a cru imani? C'est donc pourquoi il est venu à la foi. Ni toi okolewe bya kweli. C'est pour être sauvé véritablement. Qui vous conjure quelqu'un de kupata Saint-Esprit? Qui vous conjure quelqu'un de kuya mu Christo? Mais anakawia we. Ça fait longtemps. Anaona vitu aliendeke. Mtoto wa Mungu wote. Mwenye kuya predestiné kumujima. Mu maisha yake munalamuka ka révolution. Il s'élève kutomboka. Mungu apate mbariki. Que Dieu bénisse. Il peut y aller seul. En il est en train de murmurer dans son cœur. Il dit, vraiment la vie que j'ai. La vie que je suis en train de mener. Ma façon de parler. Le penser que j'ai. Est-ce que réellement c'est ça la vie des chrétiens? La vie que j'ai. J'ai vu dans ma maison. Vile niko naona banduku. Vile niko naona badada. Niko naishi na bavuaze tu. Seigneur. Est-ce que la vie que j'ai? Maisha tu ya ba Kristo. Réellement c'est la vie des chrétiens. Sasa mtu anatembea pa yepeke. Utawajia na kwa mazimu. Hapana. Mu maisha yake mnalamuka revolution. Kuna kwa kutomboka kumoya. C'est la vérité. Ukweli. Est-ce que mimi tu mitanda tu kuikala siku yote mimi na bibi yangu? Mimi na bwana wangu siku yote paka mumakokotano. Tout le temps avec mon mari. Mukatana bitambi. Il y a des répliques. Tout maisha hii. Ni maisha ya ba Kristo. Vraiment la vie. Kumbe Mungu. Alors Dieu. Ule ulisaidia bengine. Tu avais aidé les autres. Aweza kunisaidia. Tu vas m'aider aussi. Ba Kristo bana regretaka. Les chrétiens, mtu anaanza kuangalia maisha yake. Il regarde sa vie. Anaiona sasa ni kitu kia ovyo. C'est quelque chose de rien du tout. Comment mimi niko nasema hivi? Comment est-ce que moi je parle comme ça? Tu as nini niko nawaza vitu vya hivi? Moi, j'ai toujours de telles pensées. Et tu mawazo yangu niko nanipanda panda sa yote. Ma mawazo ya buchafu. Ma mawazo ya ovyo. C'est très souillé. Et tu maisha hii. Ni maisha ya ba Kristo. Est-ce que c'est la vie des chrétiens? Quoi, ma frère, ma ville? Où sont ce frère? Mais quoi, ma dame, ma ville? Où sont de telles sœurs? Vous créez tout frère? Un chrétien. Qu'on a fini à regarder une guine. Arrive le moment. On a John à Ovio. Ses voix, il n'est rien du tout. On a John à Jérémy. Et qu'on a John à ridicule, paillet, paillet. Pourquoi ses voix ridicules? Il est seul d'abord. Paillet, péqué. Il est seul. Moi, je pensais que c'est un homme de Dieu. Mais dans son cœur, il est vraiment tout. Parce qu'on a combattu la tabia, moi, mon maïsha yake. Il a rouvumbula ya kusema. Il tabia hii. Aina ya ba Kristo. Ce n'est pas pour le chrétien. Mungu ashiweze kunisaidia. Dieu ne peut pas m'aider. Mungu ashiweze kunisaidia. Dieu ne peut pas m'aider à ça. Jacob, Jacob, il est resté seul à genoux. Il est en train de se lamenter. Il parlait. Si Dieu, tu ne m'aides pas. Esaïe, mon frère. Il viendra me tuer. Il vient pour me tuer. Je vais mourir. Dieu, est-ce que tu ne peux pas m'aider? Ba Kristo banekalaka na tomboka. Les chrétiens ils se révoltent. Apana nzambi ko maisha yako. Mais uko paka na isemeleya. Tu es en train de plaider pour ces péchés là. Inatoka shiku gani? Comment est-ce que ces péchés vont te quitter? Itatoka shiku gani? Comment est-ce que ça va te quitter? Il faut wakati moyo unaitombokea. Tu dois arriver un moment tu te révoltes contre ces péchés. Parce que tu es un enfant de Dieu. Unaanza kujikwambia wewe peke. Tu es langage mimi nasemaka. Ma façon dont je réponds moi. Il y a ba Kristo hii. Vraiment c'est comme ça qu'un chrétien peut répondre. Il y a ba Kristo hii. Est-ce que c'est un langage de chrétien? Mungu wa mbingu. Dieu du ciel. Kama mtu anakuwa vile. Lorsque un homme arrive sur ce point, Dieu y voit. Notre Dieu, il voit. Na kama unaanza kuhuzunika. Et quand tu te mets dans cet état, et lui au ciel, il prend maintenant soin de toi. Anaanza kuregreter. Il va regretter. C'est la vérité. Nous croyons. Et qu'on a kuangaria. Ça veut dire là au ciel, il te regarde. Kuangaria na macho ya buluma. Il te regarde avec compassion. Parce, anaona kusema, parce qu'il se voit, il voit vie, que la vie, ça te, tu es fatigué de ça. Yesu, c'est ce qui a amené même Jésus à la croix. C'est à cause de ses frères et soeurs. Il y avait la répugnance de cette vie. Et c'est ça qui a amené le Jésus. Mais lorsque quelqu'un arrive dans cette condition, le ciel doit intervenir. Le ciel doit certainement intervenir. C'est la vérité. Nous croyons. Le ciel doit intervenir. Oui. Dieu. Je ne peux pas te lâcher. Tu dois me bénir. Il est négatif à la décision de Christ. Et ça, c'est uniquement chez les chrétiens qui peuvent prendre cette décision. Ça. Moi, chrétien. Mais je n'ai que de mauvaises pensées envers mes frères et sœurs. La présence de telles sœurs ne me pleut du tout pas. Est-ce que réellement c'est la vie des chrétiens ça? Tu commences à te poser des questions peke. Seul. Apana buana, ton mari n'est pas là. Bibi, ta femme n'est pas là. Il n'y a pas de frère seul. Que Seigneur, est-ce que Buana, tu ne peux pas m'aider? peux pas venir m'aider. Pourquoi les anciens tu les as pourquoi aidés ba... pourquoi les frères pourquoi tu les as aidés ba... tel frère tu l'as aidé mais non, moi Seigneur tu deviens est-ce résistant que yako? Est-ce que je ne tue pas ton Mungu enfant Dieu il est compatissant Mungu na buluma sana. Il est très compatissant c'est la vérité nous croyons la vie que je suis en train de mener à l'école est-ce que réellement c'est la vie de l'enfant de Dieu aminifu. Je suis dans une famille chrétienne. Nazari ka munyumba ya Kristo. Je suis né dans une famille chrétienne. Ya Mungu ya et j'ai pris là où la parole pire est le péché. Le témoignage. Minanza kwa na kukanisa hii. Niko na kumasomo. Le témoignage que j'ai à l'école. Le témoignage tu ya ba Kristo. C'est digne de chrétien. Mon Christ on a tombokaka. Un chrétien se révolte. C'est la vérité. Na Mungu wa mbingu. Et le Dieu du ciel. Kama anaona vile. Lorsqu'il remarque cela. Anakushikilia bulumu. Il a compassion de vous. Mambo mnene ni bantu abahuzunike. Mais la difficulté c'est parce que les gens ne sont pas tristes. Bantu abahuzunike. Les gens ne regrettent pas sur leur vie. C'est compliqué. Dukweli. Mina kumbuka fashi mon frère Branham kunasema. Après dans une prédication frère Branham disait. Avec tout koneshi kumashiku mubaya. Dieu nous vivons dans l'âge là. Trône ya jugement mu maro ya bantu. Kichi ya enzi ya hukumu dans les cœurs des gens. Ndio inaanza kumarizika. N'existe presque pas. Mungu apate umari. Que Dieu bénisse. Na ndio magumu ile. Et c'est ça même la difficulté. Combien de chrétiens frères qui ont cette nature de révolter à leur mauvaise vie, se révolter à leur mauvaise vie. Ce qui donne cette révolte aujourd'hui, c'est l'esprit qu'ils ont reçu lors de leur nouvelle naissance. On est ensemble. C'est ce qui les aide. Lorsque, à un moment donné, il se retrouve dans le péché. L'esprit qu'il avait reçu, ça lui a été révolté contre le péché. C'est la vérité. Nous quoi? C'est pourquoi on a dit la Bible qu'on a semé. La Bible dit. Ézéchiel. Ézéchiel. Oshiki. Écoutez. Ézéchiel 36, il y a un livre. Ézéchiel, vous connaissez l'écriture. Ézéchiel 36, vous connaissez l'écriture. Nous avons versé à qui Ézéchiel 36. Ézéchiel, vous connaissez l'écriture. Versé à qui 26. Ça va combien l'écriture. Ok. Bible n'a pas ma vie. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai mon esprit en vous. Un esprit nouveau. Je ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ok. Verset 31. Alors, parlez. Vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise. Et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Bible qu'on a semé. Il est esprit muto anapata wakati nazari kamara ya pili. À la nouvelle naissance, l'esprit qui est l'homme. Inamusaidiaka wakati nzambi anaanza kuingia mu maisha yake, anaanza kuichukia. Ça l'aide lorsque le péché entre dans sa vie, il commence à haïr ça. Anakushikia bunya. Il a de la répugnance. Naanza ku regretter. Et il regrette. Est-ce que mie huyu mie? Moi ici. Ekona revendiquer butoto yake bwa Mungu. Il est en train de revendiquer son droit de naissance. Est-ce que mie huyu? Est-ce que moi ici? Mie na weza kwanza kuishi hivi. Je peux rester demeurer à vivre comme ça. Il est langage ni ba Kristo banaisemaka. Et ça c'est seulement chez les enfants de Dieu. Mie tu huyu mie. Nous ici. Tunaweza kwanza kuishi mu makokotano hivi. Je peux continuer à vivre dans le conflit dans mie tu mie huyu. Naweza kuya derrière. coureur de jupons, il vit. Est-ce que je peux rester coureur de jupons comme ça, fata fata na mouké? Comment? Namlakan. Mie ouyou. Moi ici. Na quoi pas na toka na ouyou. Je sors na avec na ouyou. Je sors avec. Est-ce qu'il maïsha tu maïsha i? Cette vie. Attaquez mon mukaniza bantu abayoué. Dans l'église les gens ne sont pas. Ni maïsha ba Christo. Est-ce que réellement c'est la vie des chrétiens? Quelqu'un qui regrette. Un chrétien, il arrive à un point. Quand il est seul, il s'est dit, la vie que je suis en train de mener. Si ce frère ici et toutes ces sœurs ici qui me respectent et qui m'aiment, lorsqu'ils sauront de ce que je suis en train de faire, est-ce qu'ils vont continuer à m'honorer, à me respecter? Comment est-ce que toi tu ne parles pas? Où les dada? La sœur. Où les frères? Ce frère. Comment toi na yoebi mina museme ya kaibi? Il apprend les choses que j'ai dit. Attendez-le à kunipenda. Il continuera à m'aimer. Pourquoi wa ujutake? Pourquoi toi tu regrettes pas? C'est la vérité. Nous quoi? Mon Dieu. Notre Dieu. Anajibuaka. Il répond. Pas qu'à venir mujibu Jacob. Tel qu'il avait répondu à Jacob. Nawe atakujibu. Et toi aussi va te répondre. Mambo ataiku ya nguvu. Même si le problème est ba très Christo, difficile. Les chrétiens. Ma mambo ya nguvu mu wakati ya Bible. Le problème difficile étant de la Bible. Bari anza kukimbilia pa kwa Mungu. Il allait toujours chez Dieu. Parce que ni pas qu'à Mungu, frère. Il n'y a que Dieu. Yepeke. Lui seul. Njoeko capable. Capable. Ya ku résoudre ma question ya quoi difficile. Le problème difficile. Ni pas qu'à yeye. Il n'y a que Dieu. Bon, angara mwile ni fo wewe. Mais regarde au stade où on a waza sota pata solution. Tu penses que comment est-ce que tu auras la solution? Vela wako na waza mon calcul yako ya bumuntu. Dans tes calculs selon. On a waza kusema ile état ya vie yako. Que ali ya maisha yako ile. Utapata solution wapi? Où est-ce que tu auras la solution? Kama beba mipango. Si tu ne prends pas la décision. Ya kushimamisha byote. Arrêtez tout. Na sincérité yo. Na royauté. Ya kutafuta intervention ya Mungu. Hakuna kitu kitendeka. Rien ne marchera. Hakuna kitu kitendeka. Rien qui va marcher. Hakuna kile kitendeka. Rien qui va marcher. Utabakia hypocrite na vile utakufuaka. Mansula mbiri jusqu'à la mort. C'est la vérité. Kweli. Utabakia hypocrite na vile utakufuaka. Hypocrite jusqu'à ta mort. Maintenant avantage ya kuwa mtabernacle kwa. Maintenant quel est l'avantage d'être membre au tabernacle? Avantage ile wori pata mu mashiku yako kupitisha pa dunia. Faida kani que tu as eu en passant sur mon mashiku ile wori pitisha pa dunia. Votre pèlerinage sur la terre. Mungu akufanisha neema yako kushikia mjumbe. Dieu t'a donné, t'a fait grâce de quitter le message. Quel avantage que tu as tiré? Urionea monini. C'est quel profit que tu as tiré? Urionea monini. C'est quel profit? Je pense que mtu wote mwenye kuwa normal. Un homme correct. Anapasha mbele kushimama. Il doit s'arrêter. Na kujiangalia kunaenda wapi? Où est-ce que je veux? C'est la vérité. Nous quoi? On a pas ça utilisé qu'on est dans. Tu vas te poser la question où est-ce que je suis en train d'aller? On a engagé ville à quoi mon pagan? Tu regardes ta vie passée. On a engagé ville Mungu njoo alimuita. Tu regardes. Mungu njoo alikuita. C'est Dieu qui t'a. Mais engagé à maisha yako qu'on est dans wapi? Dans ta vie. Qu'on est dans wapi? Tu vas où avec ça? Avantage qu'on nous tapate. C'est quel avantage que tu vas tirer? Kama unakufa hypocrite. Si tu mourais munafiki. Unaonea monini. C'est quel avantage? C'est grave. Nyatari. Mais c'est la vérité. Lakini njo kweli. Batoto ya Mungu bana tombokaka. Les enfants de Dieu ils se révoltent. Bana jitombokeaka. Et ils se révoltent. Anasema kwanza leo mwile mamilie jitenda kama. À partir d'aujourd'hui, je ne fréquente plus de tels milieux. Comment limite akona barafiki bavi? Moi je peux avoir des amis comme ça. Barafiki bakunya mpombe, bakufuta bange. Barafiki yangu paka malangashi paka mukaya. Kwanza leo jitenda. À partir d'aujourd'hui, je ne les fréquente plus. Jitenda. Je le fréquente. Pourquoi Mikawa Minenda Baule Dada? Il faut toujours rien de Bourdia pour suyer. Je rentre. Quand il y a le Chitenda. À partir d'aujourd'hui, moi avec cette soeur, j'arrête de la fréquenter. Chitenda. Je ne la fréquente pas. Oh, Dada, vous êtes oh, ma soeur, tu ne viens pas me visiter. Bon, je suis couillé tout, Dada. Je ne viens pas. Vous comprendre. Comprenez seulement. Je refuse que tu commences à me suivre à tout moment. Et je ne te dis même pas, mais dans mon cœur, je refuse que tu commences à me suivre. Méchant, toi, tu ne vois pas les bonnes choses chez les gens. Un chrétien se révolte. Ah, mais s'il faut mourir affamé, je vais mourir. C'est la vérité. Nous vile kwa nanisaidia nikusema kwa napenda siku yote anje kuningisha baba mzami kwa atanza atanza la nitakufa nayo sasa peche je vais mourir de famille. Mkristo anatombokaka, un chrétien se révolte, c'est la vérité. Nous quoi frère, mkristo un chrétien mnaanza kufanya naye mambo kwa mbade, vous faire quelque chose à deux, mais siku yenyewe esprit ya Mungu itamutombosha, l'esprit de Dieu va le révolter, utashangaa anakuja kutubu, il viendra se repentir. Il viendra se répandre. Et c'est comme ça que les chrétiens sont. Ils sont conçus autrement. Ils sont conçus autrement. Il y a quelque chose qui ne tolère pas les péchés wakati mulefu. On est ensemble. Aki supporta que bibaya longtemps. La chose dans les cœurs. Kutafika tu wakati mwanzo ma. Binenea. Ça suffit maintenant, ça va s'arrêter. Binenea. Ah, ça doit s'arrêter. Dieu veut le Christ bané kalaka. C'est comme ça les chrétiens. C'est la vérité mon frère. Nukweli nu. C'est la vérité ma sœur. Nukweli dad. Mamambo ya nguvu. Les problèmes difficiles. Mwakati ya Bible. Dans le temps de la Bible. Ni Mungu alianza kuishi. C'est seulement Dieu qui donner la solution. Il y a un goût. Le problème très difficile. Et moi, je dis que mon frère. Ce que nous disons. Concernant l'âge de la Odyssée. Frère Branham, je dis que mon frère. Il y a un goût. Ce sont des problèmes difficiles. Il y a solution. Que même le médecin ne donnera pas solution. Je ne sais pas si la Bible. Vous voyez même temps la Bible. Il y a un goût. Il y a un goût. Il y a un goût. Il y a roi Nebuchadnezzar. Ah, mon goût. Il y a un goût. Il y a un goût. Lui aussi, il avait rêvé. Quand il a eu ce songe, mais au réveil, il avait tout oublié. Mais il savait que c'est quelque chose qui l'inquiétait beaucoup. Et c'était très difficile. Il a appelé tous les sages du pays. Il a appelé les astronautes. Il a appelé le magicien. Il les a dit. C'est vrai, j'ai eu un songe, mais à la fine, ce songe-là m'a échappé. Maintenant, je vous ai appelé. D'abord, vous me rappelez ce que j'ai eu comme rêve, et après, vous me donnez l'interprétation de ce songe. C'était difficile, nous. Et si ce n'est pas le cas, je vais vous tuer. Les astronautes, les sages ont dit non, le roi. Ce que tu nous as demandé, c'est des trous, c'est très difficile. Personne ne saura. Et si c'est le cas, je vais vous décapiter tous. Ah, je pense que moi, le temps. Ah, c'est un Daniel, Daniel travaillait aussi dans la cour. On a dit même à Daniel. Daniel a dit ça, c'est que le diable, le roi nous a demandé. Humainement parlant, c'est très difficile. Les chrétiens, ils savent que. Humainement parlant, si nous sommes incapables, au ciel, il y a un homme. Parce que on est ensemble. Les chrétiens, ils sont conscients de ça. C'est un problème. Comme c'est devenu difficile, nous avons un Dieu. Ça vient bien compliqué, la situation a compliqué parce que tout le monde. Mais si nous, nous avons Dieu. Que Dieu bénisse. Bah Christ. Les chrétiens. Agabambie kusema. Agamwambie ole mufalme aritumaka. Ni bilefu mishipende kusoma. C'est long, je ne peux pas lire. Asema bon. Allez demander un peu au roi. De ne pas tuer quand même les sages. Moi, je vais aller d'abord en prière. Et Dieu va nous donner la réponse. Que Dieu vous bénisse. Daniel, il est parti. Il s'est enfermé dans la chambre. Il s'est mis à genoux. Que Dieu vous bénisse. Et le genou que les gens négligent a des solutions terribles. C'est la vérité. Nukweli. Daniel a tatouanga magoti. Daniel, il s'est mis à genoux. Akaomba Mungu wa mumbi. Il a appelé le Dieu du ciel. Mungu wa mumbi. Le Dieu du ciel. Oulane Kalaka n'a révélé ma question. C'est lui qui révèle ma mambo ya ngufu. Ma mambo ele Kalaka impossible. Le problème ya kushindaka. Ma mambo ele bantu wana shindaka. Les gens ont essayé. Mais yepe kana wezaka. Mais lui seul il peut. Yepe kana wezaka. Lui seul. Tous sommes mêlés. Lisons ça. Je pense Nemo. Un roi. Wafal me akwan. Un roi. Wafalme wa kwanza. Chapitre yake 21. Makumi na moja. Ushikie mbele, tusome. Lizo. Niko karibu kumiacha. Je suis prêt à vous laisser. Un roi, chapitre yake 21. Wafalme wa kwanza, makumi na moja. Niko naanzia mu verse yake 3 mimi taluka. Usaki ya 3, je vais commencer à sauter. Aina hii. Mungu apate kumbariki. Dieu bénisse. Nilianzika quelque part. Je kama minta papata. Ula napata nipatie ile verse. Qui a trouvé peut me donner le verset. Il est Nimu Daniel. OK. Danieli. Daniel, mina ipata. Chapitre 2. Daniel sur Akapi. Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2. Danieli sur Akapi. Ok. Yo, mon nom Daniel. Daniel chapitre 2, verset 3. Mi tashuka. Mais niko na besoin ni luke mbio mbio juu sa yetu inaenda. Il était avancé, je vais sauter. Mais mukuye tu na pensée, muyo ya kusema. La pensée. Ma question yote difficile. Des questions difficiles. Il est nafikaka pa maisha ya ba Christ pa dunia. Dans la vie des chrétiens sur cette terre. Ni paka Mungu ndio anaishaka. Yake Dieu qui donne la solution. Atawe yako ile kunaona kusema iko difficile. Même le problème que vous avez, vous croyez. Ndio kingarike na ichunga seni yako. C'est parce que tu es en train de t'approprier. Mais si vous t'épeler utena nao kwa Mungu na sincérité. Tu vas déposer avec sincérité ça auprès de Dieu. Dieu va donner la solution. OK, verset 3 inasema. Usaki tata inasema. Anasema le roi leur dit. Mufalme akawambia. J'ai eu un songe. Migilota. Mon esprit est agité. Na moyo wangu kunangaika. Et je voudrais connaître ce songe. Na mina penda nijue ile ndoto. Roi yake ilikuwa mu agitation. Mon cœur était agité. Il était sous pression. Son esprit était sous pression. Aripenda ko kintu kya kumukalme. Quelque chose qui a mutulize. Mungu apate kumbariki. Dieu bénisse. Quand on avait verset 10. Dans son verset 10. Otasikia. Les Chaldéens répondirent au roi. Wale wa Chaldéens wakamjibu mfalme. Il n'est pas personne sur la terre. Hapa pa dunia hakuna mtu. Qui puisse dire ce que demande le roi. Anaweza kuleta jibu kuibi mfalme kuna lomba. Aussi jamais roi. Na kamwe mfalme. Quelque grand et puissant qu'il ait été. Kwa kidogo na uwezo kila kuya. N'a exigé une pareille chose d'aucun magicien. Hakuna bakubwa hata bamoya ule basha kulomba kufanya majende bitu ya hivi kula lomba. Astrologue. Wa astrologue. Ou Chaldéen. Wala wa Chaldéen. Ce que le roi demande. Il mufalme na lomba. Est difficile. Ni vya nguvu. Mungu apate kubariki. Il n'y a personne. Hakuna mtu. Qui puisse le dire au roi. Unaanza kuambia mfalme. Excepté. Isipokuwa tu. Le Dieu. Mungu. Dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Ule makao yake aina katikati ya watu. Mungu apate kubariki. Kijo bénisse. Pale alikuwa anamjibu mfalme. Eh, quand il était en train de répondre au roi. Ya kusema sasa angalia hii mambo. Regarde, au roi. Ni kusema ni paka Mungu. Le problème il n'y a que Dieu. Ula shikalake ku bantu. C'est lui dont la demeure n'est Njoo pas. Dieu anaweza ku résoudre hii ma question yenye kwa difficile. C'est lui qui peut résoudre les questions difficiles. Toutes les questions difficiles. Ma mambo yote ya nguvu. Mumaisha yako frère. Dans ta vie. Nous. Mumaisha yako dans dada. Dans ta vie ma sœur. Kwanzia leo waamini. Ya kusema mumbingu. Qui au ciel. Munekalaka Mungu. Il y a un Dieu. Ula nekalaka mku résoudre ma question difficile. Qui donne la solution aux questions difficiles. C'est la vérité. Nous quoi. Là-dessus le roi s'est mis en colère. Et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée. Les sages étaient mis à mort. Et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressa de manière prudente et censée à Arjok, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjok, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arjok exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi. Et le roi prit la parole et le roi lui accorda du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Ananias, Michaël et Azarias, ses compagnons, les engagea na akaoingiza à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec les restes des sages de Babylone. C'est que Balé va y comprendre. Ils ont compris. Comme c'est devenu difficile. Et à laquelle le diable a soumis tout le monde. Nous allons à Dieu. Que Dieu bénisse. Et lorsqu'il lui a révélé Daniel ça, la fille, et Daniel, quand il est arrivé au plus du roi, Daniel, le roi lui a dit, Daniel, tu es capable de donner le songe. Et dis-moi d'abord le songe. Et me donner son interprétation. Daniel a dit, elle a dit, non. Que Dieu bénisse. Je ne suis pas capable. Parce que ce que tu as demandé, humainement parlant, mais au ciel, c'est là où nous sommes. Et il y a un Dieu qui va révéler au roi les secrets. Daniel a ça. Et Daniel a commencé à étaler le problème. Et ça, c'est ce qui devait amener la mort. Et Dieu a terminé ça. C'est pourquoi chaque frère, chaque soeur, lorsque vous vous réveillez, vous remarquez que vous emportez vous Levons-nous pour prier. Qu'il a mouto à méditer. Nous allons méditer. Qu'il a mouto à oiser. Nous allons penser. Tu veux tourner un moment à méditation. Chantons un cantique. Unakubali kuwacha makosa. Tu imbele mwimbo kisha tutaomba shibote. Wakati banduku beko esprit à méditation. Pendant que les frères sont en train de méditer, nous allons prier. Adamu ya Yesu kuna uwezo na unataka kushinda shetani. Mon frère, ma soeur, nous avons un Dieu au ciel. C'est lui qui traite les problèmes. Dans cet âge, tu ne seras pas sans ces c'est Dieu. C'est pourquoi les chrétiens dans chaque problème difficile, ils allaient dépouiller ça. Et toi-même, tu viens de parler. Je viens de parler. C'est à toi de revendiquer maintenant ton droit. Allons tous dans la prière.